Le passager de première classe, par Ernest William Hornung. Lorsqu'on remonta le câble à bord, et que s'échangèrent les dernières salutations habituelles entre le remorqueur et le paquebot qui l'avait amené au large, Scrimshaw desserra les dents, et se mit à dégoiser avec autant de cynisme que de sincérité. Il venait précisément de se faire la réflexion que c'était le dernier lien qui le rattachait à la terre ferme, et il éprouvait un vif soulagement à le savoir rompu. Déjà, la côte d'Irlande n'apparaissait plus à l'arrière que comme une chose insignifiante. Celle d'Australie était à l'autre bout du monde. Le capitaine ne pensait point passer en vue d'aucune autre durant tout le voyage, et Scrimshaw avait reçu de lui l'assurance que normalement la traversée ne pourrait pas s'effectuer en moins de 90 jours. Donc, quel que fût le résultat final, il avait toujours 3 bons mois encore en perspective, et 3 mois de cette liberté relative dont on peut jouir à bord d'un voilier. Il descendit dans sa cabine, en referma la porte à clé, et s'allongea sur sa couchette pour y lire plus commodément ce que les journaux racontaient sur le crime. C'était en effet, et la chose lui paraissait en vérité assez étrange, c'était en effet la première occasion qui s'offrait à lui de lire le récit de son propre crime. Mais les circonstances un peu spéciales dans lesquelles s'était opéré son départ l'avaient frustré d'un bon nombre de satisfactions dernières, et il n'était que trop heureux d'avoir les journaux à lire à présent, en même temps qu'une cabine à lui tout seul pour les savourer, car la mer était grosse et Scrimshaw n'était qu'un marin d'eau douce. Néanmoins, malgré le roulis et le tangage, et tous les fâcheux effets qu'il produisait sur son organisme, il n'aurait pas cédé sa place pour tout l'or du monde. Ces divers désagréments servaient en effet à lui rappeler d'une manière incessante que sa cabine n'était pas une cellule de prison, et n'en pourrait devenir une, quoi qu'il advînt, avant 3 mois entiers. D'ailleurs, il n'était pas homme à se laisser démoraliser par un malaise qui est avant tout nerveux. De taille moyenne, le teint brun, ni précisément jeune, ni absolument mûr, vêtu sans élégance, mais d'une façon pourtant correcte, la mâchoire proéminente et la barbe mal rasée, tel était l'individu qui, en ce moment, lisait imperturbablement le compte-rendu de ses événements tragiques, sans un tremblement de ses mains velues et sans un mouvement de ses paupières tombantes. Il y avait là 5 journaux datés du matin même. Le crime s'y trouvait relaté en bonne place sur tous, et 2 d'entre eux lui avaient même consacré des articles de première page. Lorsqu'il en eut terminé la lecture, Scrimshaw ne put réprimer un gros soupir. Il lui était pénible, en effet, de songer que désormais, il ne pourrait plus avoir de nouvelles avant 3 mois. La vanité du criminel s'était éveillée en lui, et à vrai dire, c'était tant mieux pour lui qu'il eût quitté la terre ferme, sans quoi il aurait affronté les pires dangers et commis les plus folles imprudences pour se procurer les feuilles du soir. Cette vanité le possédait à tel point qu'il finissait par enrager de voir qu'on ignorait qu'il fût l'auteur de ce triste exploit, et cependant, c'est à cette circonstance qu'il devait sa sécurité provisoire. Il n'avait pas honte de son crime, car le récit en était fort intéressant à lire, et l'on paraissait tant s'extasier devant l'audace et l'habileté diabolique avec lesquelles il l'avait perpétré, que pour un peu, Scrimshaw eût souhaité se faire connaître afin d'en revendiquer les honneurs. En tout cas, une chose paraissait bien certaine à présent, c'est que l'on ne soupçonnait personne, et lui encore moins que quiconque. Scrimshaw se remit à soupirer, puis sourit en se surprenant à soupirer ainsi, et fermant les yeux pour la première fois depuis son forfait, il dormit pendant plusieurs heures d'un sommeil aussi paisible que celui d'un enfant. Il était le seul passager de première classe, et ne tarda pas à en devenir le véritable bout en train. Au premier repas, il ne put s'empêcher de céder à la tentation qui l'obsédait de faire allusion, sans avoir l'air d'y toucher, à l'assassinat qui avait été commis sur le Caledonian Railway, mais bien qu'en ayant entendu parler, le capitaine et ses officiers ne paraissaient pas s'y intéresser le moins du monde, de sorte que Scrimshaw jugea plus sage de feindre une indifférence égale à la leur et changea aussitôt de conversation. Ce fut la seule faiblesse dont il se rendit coupable. Après cela, il jeta tous ses journaux par-dessus bord et fit appel à toute sa volonté pour vaincre la stupide et malsaine vanité qu'il lui avait inspirée. De remords, il n'en avait aucun, et pendant 3 grands mois, il avait la certitude de ne pas être inquiété. Aussi, résolut-il de bien profiter de son temps d'ici là, et comme il avait une personnalité qui s'imposait, il eut vite fait de se gagner les sympathies et de dérider tout le monde à bord. Cet individu n'était pas un gentleman, quel que soit le sens qu'on le veuille prêter à ce mot, devenu aujourd'hui si élastique. Il portait des bijoux de pacotille, un complet à bon marché, d'une nuance aussi jaune que celle de ses bottines et des chemises d'un bleu criard. Il s'exprimait avec un fort accent londonien, qui avait le don, sur ce navire de nationalité écossaise, d'irriter presque toutes les oreilles. Mais il avait tant d'anecdotes dans son sac, et plaisantait avec une si franche bonne humeur, qu'on ne se lassait pas de l'écouter. On le voyait toujours prendre le plus vif intérêt aux moindres incidents du voyage, et il était toujours prêt à se rendre agréable, aussi bien pour donner un coup de main à la manœuvre que pour faire un quatrième au whist. Bref, il sut tellement bien s'y prendre qu'au bout d'un mois, il jouissait d'une popularité aussi grande parmi les hommes de l'équipage que parmi les passagers de seconde et les officiers. Mais voici qu'un beau matin, Scrimshire s'éveilla avec la sensation qu'il se produisait quelque chose d'insolite, et tout aussitôt, il eut le pressentiment qu'un danger immédiat le menaçait. Il y avait bien trop de cris et d'allées-venues au-dessus de lui sur le pont. Ce n'était pas naturel, car le bateau était régulièrement poussé par les vents alisés du nord-est et voguait aussi paisiblement que possible. Scrimshire se dressa sur son séant et guetta à travers le hublot de sa cabine. À 3 ou 4 milles par bâbord, un transatlantique était en train de les dépasser, se dirigeant lui aussi vers l'ouest. En somme, cela n'avait en soi rien de bien inquiétant. Et cependant, Scrimshire en conçut quelque inquiétude, puisqu'il monta tout droit sur le pont, simplement vêtu de son pyjama, et en arrivant sur la dernière marche de l'échelle, s'arrêta un instant, sa mâchoire maintenant toute barbue devenue plus saillante qu'elle ne l'avait jamais été. 4 petits pavillons flottaient l'un au-dessus de l'autre à la corne du mât-de-misaine, et sur la dunette se tenait l'imposante silhouette du capitaine, avec ses longues jambes bien plantées en équerre et sa longue vue fixée à son œil. Près de lui se trouvait son second, jeune homme plutôt naïf, qui saluait Scrimshire d'un hochement de tête. « Qui est-il, McKendrick? Qu'est-ce que ce bateau ?»« C'est un paquebot de la Castle Line, un des paquebots de Donald Curry, qui font le service du Cap. »« Pourquoi lui avez-vous fait des signaux ?» murmura Scrimshire. « Ce n'est pas nous qui lui en avons fait, c'est lui qui nous en a adressés. »« Savez-vous de quoi il s'agit ?»« Non, mais le capitaine le sait, lui. » Pendant qu'il parlait ainsi, le capitaine se retourna vers eux, et au premier coup d'œil, Scrimshire devina son secret. Ce secret, c'était le sien, que l'on avait découvert depuis sa fuite, et que les drapeaux du transatlantique venaient de faire connaître en le proclamant par-dessus les mers. Maintenant, le capitaine le toisait de la tête aux pieds, et l'expression jusqu'alors avenante de sa physionomie avait tout à coup fait place à une grimace de haine et d'horreur. Scrimshire comprit tout de suite qu'il devait avant tout feindre de se croire encore à l'abri de tout soupçon. « Bonjour, capitaine, » s'écria-t-il avec cette familiarité enjouée qui s'était déjà établie entre eux. « Ah, ça, que diantre signifie donc tous ces signaux ? Vous avez envie de le savoir ?» gronda le capitaine, d'une voix tonnante en le regardant dans le blanc des yeux. « Je crois bien que j'en ai envie. » Et en disant cela, Scrimshire souriait de façon si aimable et simulait une si complète indifférence que le commandant demeura tout perplexe. « Eh bien, mêlez-vous de vos affaires, » grommela-t-il enfin, « et que je ne vous reprenne pas à monter sur ma dunette ou à adresser la parole à l'officier de gare, sans quoi, gare à vous. »« Peste !» murmura Scrimshire en s'éloignant d'un air profondément vexé. Mais, quelques instants après, lorsqu'il se retrouva dans sa cabine, en face de sa glace, il avait le front tout couvert de gouttes de sueur. Ainsi donc, il était découvert. Le commandant venait d'être avisé qu'un assassin se trouvait à son bord. Des policiers viendraient à la rencontre du bateau dans la baie de Hudson et l'on ramènerait par le canal de Suez le meurtrier qui serait ensuite condamné à mort sans avoir autrement profité de son butin qu'en tentant un inutile voyage autour du monde. Ce n'était pas la première fois que pareille chose se produisait. Elle était advenue déjà au premier qui avait commis un vol dans un train. Seulement celui-là, c'était de sa faute, car en fuyant, il s'était trompé de chapeau et avait laissé le sien derrière lui comme pièce à conviction. Mais lui, Scrimshire, que diable avait-il donc pu oublier pour qu'on eût ainsi retrouvé sa trace? Il avait beau chercher, il ne voyait pas ce que cela pouvait être, et d'ailleurs cela importait peu. Ce qui devait le préoccuper par-dessus tout pour le moment, il l'avait deviné tout de suite. C'était la nécessité de jouer la comédie de telle sorte qu'on ne pût se douter un seul instant qu'il se savait suspecté. Et pour cela, il lui faudrait se montrer toujours à l'aise et continuer à aller venir tranquillement comme si de rien n'était. De cette façon, peut-être, se dispenserait-on de le mettre au fer, sachant qu'à la fin du voyage, les policiers seraient là pour accomplir la vilaine besogne. Or, avec deux mois entiers devant lui, un homme doit forcément découvrir un moyen quelconque de se tirer d'affaire. Sinon, ce n'est qu'un imbécile, et il mérite bien d'être pendu. La première journée ne fut pas la plus compliquée. La rudesse dont le capitaine avait fait preuve à son égard était plus que suffisante pour justifier un changement d'attitude chez n'importe qui. Scrimshaw eut donc doublement raison de bouder pendant le reste de la journée. Le mutisme dans lequel il se renferma eut en outre l'avantage de lui fournir de multiples occasions d'épier ce qui se passait autour de lui, et pour cette raison, il se félicita de n'être pas tenu de garder son attitude de joyeux conteur. La scène de la matinée avait été colportée sur tout le bateau, et cependant, autant qu'il lui était permis d'en juger, le capitaine n'avait confié à personne ce qu'il avait appris. Le second l'invita à venir fumer un cigare dans sa cabine et lui raconta les mêmes histoires que d'habitude, comme s'il n'y avait absolument rien de changé. Seulement, il ne fallait pas trop se fier à cela, car le commandant était un vieux loup de mer tenace, dont le visage ne laissait jamais rien voir du fond de sa pensée. Peut-être savait-il tout, peut-être l'ignorait-il. Le plus sage parti à prendre pour Scrimshaw était donc de s'en tenir à la première hypothèse, et par conséquent de produire sur le second une impression favorable grâce à son exubérance et à sa légèreté de cœur. Dans le courant de la matinée, il eut une conversation avec le lieutenant McKendrick. Ce fut peu de chose, mais il n'en fallait pas davantage pour affermir les convictions qu'il s'était formées au sujet des signaux. « Qu'est-ce que j'ai donc fait ? » demanda-t-il à McKendrick, « pour que le vieux s'emballe ainsi contre moi. Ce n'est pas vous, ce sont les signaux qui l'avaient mis de mauvaise humeur. Mais ça ne fait rien. Vous auriez pu choisir un moment plus propice pour le questionner. » Enfin, de quoi parlait-il donc, ces maudits signaux ? Quant à cela, je l'ignore, mon cher Bennett. C'était le nom dont se faisait appeler Scrimshaw depuis son embarquement. Ne vous serait-il pas possible de le savoir ? Oh, si, peut-être, d'ici quelque temps. Pourquoi pas tout de suite ? Parce que le patron a emporté le livre, le code des signaux, comme on dit. D'habitude, c'est moi qui suis chargé de le garder, mais le patron en a eu besoin, et il n'y en a pas d'autres exemplaires à bord. Ah, très bien, je comprends. Oh, ça devait être quelque chose de personnel, j'en suis bien sûr. Mais aucun de nous ne sait de quoi il retourne, et nous ne le saurons sans doute jamais, car il n'a pas pour habitude de renseigner ses voisins sur ce qu'il fait, le patron. Le vieux, comme l'appelait Scrimshaw, n'était en réalité pas plus âgé que lui. Mais il avait conquis tous ses grades un à un, après avoir débuté comme simple moussaillon, et sa cruelle enfance d'abord, puis les lourdes responsabilités qui lui étaient incombées de bonne heure, l'avaient beaucoup vieilli et endurci. Beau type de marin et chef résolu, quoi qu'emporté, le capitaine Nelson avait aussi le cœur sur la main et l'âme ingénue. Scrimshaw le savait fort bien, et tout en affectant de bouder sur son pliant à la poupe du quatre-mâts barque Lord Winor, et en considérant le capitaine qui, sur ses semelles de caoutchouc, allait et venait silencieusement comme un lion en cage, en s'arrêtant de temps à autre pour le dévisager d'un air préoccupé, il songeait à la façon dont il pourrait le mieux tirer parti de ses qualités si précieuses. C'était un duel aussi intéressant qu'original que celui qui s'engageait en ce moment entre ces deux hommes énergiques, opiniâtres et volontaires. Mais l'un était aussi roué que l'autre était loyal, et non content de lire comme dans un livre au fond de l'âme de celui qui lui était supérieur par sa loyauté, il s'arrangeait encore de manière à lui faire lire en lui quelque chose de très évident et de très plausible. L'idée ne lui vint pas un seul instant de se faire passer pour innocent aux yeux du capitaine. Cela l'obligerait à changer d'allure et à en prendre d'autres qui ne seraient pas celles d'un homme ignorant que les signaux du matin avaient été échangés à propos de lui. Au contraire, ce qu'il avait été jusqu'alors, et ce qu'il devait à plus forte raison maintenant se donner l'air d'être, c'est le coupable qui ne redoute d'être jamais pincé et qui est à 100 lieues de croire qu'on en est arrivé à le soupçonner. Oui, c'était bel et bien ce rôle-là et pas un autre qu'il devait jouer. Jusqu'ici, il s'était borné à le jouer instinctivement. Désormais, il lui faudrait le jouer volontairement. Scrimshaw supposait le capitaine assez fort et assez humain pour ne rien faire, ni rien dire à personne jusqu'à l'arrivée à bord des policiers australiens, mais en somme, il n'en avait aucune preuve. Il se pourrait fort bien aussi que Nelson le laissa libre pendant tout le voyage pour le mettre au fer au dernier moment. En ce cas, il eût été plus charitable à lui de le faire dès à présent. Quoi qu'il en soit, s'il ne dépendait que de lui, Scrimshaw, on ne l'y mettrait ni maintenant ni plus tard. Aussi, à la première occasion qui se présenta, s'empressa-t-il de glisser à ce sujet une insinuation subtile et indirecte, encore que très osée, sur les graves conséquences que pourrait entraîner un pareil procédé si on le lui appliquait. Cela se passa au repas de midi, tandis que la fumée du malencontre paquebot formait encore un panache noir à l'horizon. Nelson demeurait morose et silencieux, et le passager de première classe, gardant toujours ses grands airs offensés, continuait à ne pas lui adresser la parole et à ne pas même le regarder en affectant de causer, avec plus d'entrain et de volubilité que jamais, avec le second et les autres officiers. Les yeux obstinément fixés sur son assiette, le capitaine se creusait la cervelle pour découvrir le plan le plus susceptible de réussir et ne prêter à la conversation qu'une oreille fort distraite. Comment en va-t-on en parler de suicide? Il ne l'a jamais bien su. « Et moi je prétends que c'est une lâcheté, » déclara le jeune McKendrick. « Vous direz ce que vous voudrez, mais je maintiens qu'il ne faut pas être un homme pour faire une chose pareille. « Eh bien, mon cher, pensez-y la prochaine fois que vous serez en train de vous raser, » riposta Scrimshaw d'un ton aimable. « Essayez de vous représenter un instant par la pensée le rasoir qui vous entre dans la gorge, la douleur qui en résulte, et puis le sang qui vous gicle sur les doigts comme si vous aviez ouvert un robinet d'eau chaude. Et pour peu que vous y pensiez suffisamment longtemps, vous me direz ensuite si oui ou non c'était l'acte d'un lâche. « Oh, moi, si j'avais à le faire, » dit le lieutenant, « je me ferais sauter le caisson. Ce serait plus vite fini. »« Eh bien moi, » répondit Scrimshaw, « je préférais avaler de l'acide prussique. Oh, j'admets qu'il faudrait une circonstance bien grave pour que je m'y décide. » Mais s'il s'agissait d'échapper à une mort plus désagréable, je suis sûr que je n'hésiterais pas une seconde. C'est pourquoi je me suis demandé bien des fois comment il se peut faire que, de notre temps, des hommes de bon sens n'attendent pas leur jour quand ils se savent sur le point d'être condamnés à mort. Le capitaine, qui jusque-là s'était borné à écouter vaguement ce qui se disait, redressa tout à coup la tête en entendant ces paroles. Mais c'était au second, placé à l'autre bout de la table, que Scrimshaw s'adressait, et ni ses regards, ni le ton de sa voix n'étaient assurément destinés à frapper le capitaine Nelson, puisqu'il avait les yeux détournés et baissait le ton de sa voix comme pour manifester plus insolemment son dédain. D'autre part, cette théorie sur le suicide était exposée avec autant d'audace que de nonchalance, et l'on y sentait poindre un tel accent de sincérité que cela intéressa vivement le capitaine. En un mot, Scrimshaw avait l'habitude d'un homme à ce point convaincu de ne courir aucun danger qu'il croit pouvoir se permettre la fantaisie de dire la vérité sur son propre compte tout en ayant l'air de plaisanter. « Quand on en est là, on n'a pas le choix des moyens, » repartit le second. « On vous épie nuit et jour, et il faudrait être joliment adroit pour pouvoir se tirer d'affaire une fois qu'on a été condamné. » « Néanmoins, je vous répète que je le ferai, » riposta Scrimshaw avec une joviale assurance. « Pour ma part, je me porterai garant d'y parvenir, et cela sous les propres yeux de ceux qui seraient chargés de m'en empêcher. »« Comment cela? Avec du poison? Oui. Dans le chaton d'une bague, hein? Une bague? Vous figurez-vous qu'on vous les laisse, vos bagues? Non. Ce sera peut-être dans une dent creuse, peut-être autrement, mais dans tous les cas, je peux vous certifier une chose, c'est que le bourreau n'aurait jamais ma peau. » Scrimshaw fit une pause, puis reprit en caressant sa barbe noire. « Et croyez bien que je ne vous dis pas cela pour rire. Je vous donne ma parole que je le ferai. » Alors le capitaine se décida à placer un mot. « Je vous approuve, » dit-il d'une voix calme. « J'ai assisté une fois à la pendaison d'un homme, et je vous garantis que je n'ai pas envie de recommencer. Pouah !» Ses yeux se rencontrèrent avec ceux de Scrimshaw, qui s'abaissèrent aussitôt. Et jusqu'à la fin du repas, celui qui d'habitude se montrait si loquace se renferma dans un mutisme absolu. À la suite de cet incident, Nelson le traita avec la politesse la plus irréprochable, mais par contre se mit à l'observer de très près. En 20 jours, on était passé de la longitude du cap à celle de l'île Kangourou, et tout laissait prévoir qu'on atteindrait dans 48 heures les pointes de Port-Philippe. En l'espace d'une semaine, le Lord Winor avait parcouru une distance de près de 2000 milles. De toute sa vie de marin, le capitaine avait accompli un voyage aussi satisfaisant que celui-ci, et cela lui procurait un tel plaisir, et flattait si fort son amour-propre, que Scrimshaw pouvait le supposer avec juste raison encore mieux disposé que jamais vis-à-vis de tout le monde. Toujours est-il qu'il se promit bien d'avoir recours à la compassion que tout honnête homme est susceptible d'avoir pour un criminel menacé de l'échafaud. Et il rumina son plan avec ce mélange de ruse côteleuse et de hardiesse imprudente qui faisait de lui le redoutable bandit qu'il était. C'était la nuit qui serait probablement la dernière nuit du voyage et la dernière nuit de liberté du malheureux Scrimshaw. Malheureux, il l'était incontestablement, car la nécessité de continuer jusqu'au bout son rôle de bout en train avait mis son système nerveux à une bien rude épreuve. Mais ce soir-là, tandis qu'il allait et venait sur le gaillard d'arrière à côté du commandant, il laissa voir pour la première fois des symptômes de découragement qui, d'ailleurs, concordaient on ne peut mieux avec l'idée que Nelson s'était formé sur son compte. « Je n'oublierai jamais de ma vie cette traversée, » déclara Scrimshaw en soupirant. « Vous me croirez si vous voulez, commandant, mais je regrette qu'elle soit terminée. Je le regrette sincèrement, et pourtant je le sais bien. Je dois vous paraître bizarre, car tous les autres, au contraire, paraissent enchantés qu'elle soit finie. »« Et pourquoi donc le regrettez-vous ? » lui demanda le capitaine Nelson en le considérant pour la première fois avec cette curiosité qui le tourmentait depuis si longtemps. Et en même temps, avec toute la sympathie qui lui était venue pour cet homme, en dépit ou à cause des signaux lancés par le paquebot. Scrimshaw haussa les épaules. « Oh, ce serait trop long à vous expliquer. J'ai mené une drôle d'existence, et ma vie n'a pas été précisément ce qui s'appelle exemplaire. Ce que je puis vous certifier, en tout cas, c'est que cette traversée en aura été l'un des plus heureux chapitres. Et qui sait, peut-être en sera-t-elle aussi l'un des derniers. Pourquoi dites-vous cela ? Pouh, sait-on jamais ce qui vous attend ? Mais enfin, quels étaient vos projets en vous embarquant pour l'Australie ? À vous parler franchement, je n'en avais aucun. Je me suis simplement dit, advienne que pourra, et je suis parti. Nelson se sentait mal à l'aise. La voix rauque de son compagnon avait une intonation désolée qui lui allait droit au cœur. Et l'envie lui vient d'annoncer à cet homme ce qu'il savait, et quel sort lui était réservé. Mais il sut se contenir à temps, comme il l'avait toujours fait jusqu'à ce jour. Bon, il l'apprendrait bien assez tôt, quand la police monterait à bord, et pour sa part, il ne demandait qu'à se décharger sur elle de cette désagréable corvée et de toute la responsabilité qui en découlerait. Voilà donc ce que pensait le brave capitaine pendant qu'il continuait à aller venir en silence. Et voilà aussi ce que son compagnon, avec la force de volonté plus grande qui le caractérisait, souhaitait de l'avoir pensé. « En tout cas, » reprit enfin Scrimshaw, « promettez-moi une chose, c'est que quoi qu'il advienne, et quelle que puisse être la mauvaise opinion que vous vous fassiez de moi plus tard, vous vous souviendrez toujours que je me suis conduit correctement tant que j'étais à bord de votre navire. Allons, capitaine, est-ce convenu ? Gardez un bon souvenir de moi, et je vous promets de mon côté que partout où je pourrai être, et quoi qu'il arrive, je vous en serai reconnaissant. « Je vous le promets. » répondit Nelson, dont la voix était devenue rauque à son tour. Et spontanément, il avança la main et serra celle du coupable. Scrimshaw eut bien du mal à s'empêcher de sourire. « Alors vous comptez passer l'Otway demain dans la journée ?»« Oui, vers l'heure du déjeuner, si la chance nous favorise. »« Et arrivé là, vous signalerez votre arrivée ?»« Oui, on devrait en être avisé à Melbourne demain, au début de l'après-midi. »« Et le pilote, quand le prendrez-vous ?»« Oh, il ne montera à bord que plus tard. » « Certainement pas avant le soir. La navigation est aussi libre qu'en haute mer tant qu'on n'est pas parvenu aux Heads, et nous ne pourrons guère les atteindre avant la tombée de la nuit, même si le vent ne change pas. Eh bien, espérons qu'il se maintiendra. Au revoir, capitaine, et merci mille fois de votre complaisance. Quelle nuit noire, dites. Oui, Dieu veuille que la prochaine le soit moins. » Mais au contraire, la nuit suivante fut bien plus obscure encore. Il n'y avait ni lune ni étoile, et Scrimshaw se félicita d'avoir saisi à temps l'occasion de parler au capitaine, car à présent, ce dernier était trop préoccupé par la direction de son navire pour entamer une conversation avec qui que ce fût, et le lendemain... Il n'y avait pas de lendemain dans l'esprit de Scrimshire, il n'y avait que ce soir. L'heure qu'il attendait depuis si longues semaines allait enfin sonner. Il allait lui falloir mettre à exécution le plan qu'il avait conçu, tout d'abord sous les vents alizés du sud-est, qu'il avait mûri ensuite pendant la traversée de l'océan Indien, et qu'il venait seulement d'arrêter, quelques heures auparavant, d'une manière définitive. Mais désormais, tout était combiné à souhait. Il n'y avait plus qu'à agir, après on verrait bien. « Est-ce que ce n'est pas leur bateau, monsieur ?» C'était le premier steward qui demandait ce renseignement. Et dans sa hâte de savoir, il s'attardait à l'arrière. Le capitaine se tenait un peu plus loin. Une figure inquiète, éclairée par le rougeoiement d'un cigare et surmontée d'un béret bleu. C'est tout ce que l'on apercevait de lui au milieu des ténèbres. On venait de masquer la voilure de la Grand-Bergue et le saumon était maintenant sur la passerelle, en train de surveiller l'installation de l'échelle de corde sur le plat-bord. Scrimshire, à l'aide de sa jumelle, observait le cotre du pilote, ou plutôt ses feux de position, et autant que le lui permettrait leur maigre clarté, la petite embarcation qui dansait maintenant contre les flancs du cotre. « C'est le bateau, n'est-ce pas, monsieur ?» insista le steward. « Je crois que oui, » répondit Scrimshire. « De combien d'hommes le pilote est-il accompagné habituellement ?»« En temps ordinaire, il est tout seul, avec un marin pour le conduire. » « Un. Dites-moi, steward, voudriez-vous rendre cette jumelle au second ? Moi, il faut que je descende un instant dans ma cabine. Surtout, ne manquez pas de bien remercier de ma part le second de m'avoir prêté sa jumelle. Elle m'a été très utile. » Ce disant, Scrimshire descendit en courant l'escalier des cabines. Le ton de sa voix, pour prononcer ces quelques mots, avait été fort étrange, mais ce fut seulement plus tard que le steward s'en avisa. Sur le moment, il était lui-même trop émotionné et en même temps, trop heureux de pouvoir leur renier le bateau avec une jumelle pour attacher autrement d'importance à des considérations de ce genre. « Nom de nom, mais ils sont quatre !» constata le steward avec étonnement. « Que viennent-ils donc faire, je me le demande ?» La réponse ne se fit pas attendre. Quelques minutes après, en effet, les quatre hommes étaient à bord et gravissaient la même échelle dont Scrimshire s'était servi pour descendre. Le pilote marchait le premier. Nelson les reçut sur la dunette. « Permettez-moi de vous présenter mes compliments, commandant, » dit le pilote. « Nous ne nous attendions guère avant la semaine prochaine. »« À présent, si vous le voulez bien, » continua-t-il en baissant la voix, « je vais vous présenter l'inspecteur Robbins de la police de Melbourne. Ce monsieur qui l'accompagne est un de ses subalternes, et mon matelot est monté à bord afin de prendre un billet qu'il est chargé d'aller porter à terre. Monsieur Robbins désirait vous dire un mot avant que nous le laissions partir. » « Il n'y a rien qui presse, car je crains fort d'être obligé d'attendre le jour pour vous faire entrer dans le port. » Nelson attira l'inspecteur à l'écart. « Je sais ce que vous êtes venu faire, » dit-il. « Le Garth Castle m'a fait savoir par signaux. »« Je sais, je sais. Est-ce que vous le tenez ?»« Est-ce que vous le tenez ?» trancha brusquement Robbins. « Rassurez-vous, » répondit à voix basse le capitaine. « Il est sain et sauf et se croit bien tranquille, le pauvre diable. »« Alors vous ne l'avez pas fait mettre au fer ?»« Non. » « J'ai jugé préférable de m'en abstenir. Il se serait inévitablement suicidé, et je me méfiais de cela, car je m'étais arrangé pour lui faire dire sa façon de penser sans qu'il s'en doutât, » déclara l'astucieux capitaine. « C'est moi-même qui avais lu les signaux, et je me suis bien gardé de rien dire à personne. » Le brave homme paraissait tout content de lui, mais le détective ne chercha pas à dissimuler le mécontentement que lui inspirait cette nouvelle. « Enfin !» « Tout ira bien si notre homme ne joue pas la comédie, » dit Robbins. « En attendant, capitaine, je vous prierai de vouloir bien me le présenter. Avec votre autorisation, nous passerons l'un ou l'autre, ou même tous les deux, la nuit auprès de lui. »« Comme il vous plaira, » repartit Nelson. « Mais quant à moi, je ne peux pas m'empêcher de le plaindre, ce malheureux garçon, car je vous assure qu'il est à 100 lieues de s'attendre à ce qui va lui arriver. »« C'est vous, steward ? Dites-moi, où est donc passé M. Bennett ? Je l'ai vu ici il n'y a qu'un instant. » « En effet, commandant, il vient seulement de descendre. Eh bien, allez l'inviter de ma part à venir boire à la santé du pilote. »« Je le présenterai au pilote, et vous pourrez ensuite en faire ce que bon vous semblera, » continua le capitaine, chez qui l'on soupçonnait l'ardent désir de se débarrasser une fois pour toutes de cette tâche pénible. « Seulement, je vous avertis, méfiez-vous. Ou je me trompe fort, ou cet homme est capable de tout. »« Capable de tout, » ricana l'inspecteur. « Parbleu, nous le savons bien. » Le crime qu'il a commis est un des plus sinistres qu'on ait enregistré en Angleterre depuis longtemps. Tout son plan était combiné d'avance. Sa victime se trouvait dans un wagon du train et lui dans un autre. Et il a eu le sang-froid de l'aller rejoindre en longeant les marchepieds pendant que le train passait sous un tunnel, de la tuer à travers la glace de la portière et de regagner son compartiment par le même chemin. Il s'agissait d'une vengeance. Celui qui l'a tué n'était pas un individu bien recommandable non plus, mais ça ne lui en coûtera pas moins l'échafaud quand même. Et notez que c'est au dernier moment, tandis qu'il allait rejoindre votre bateau, qu'il accomplit son forfait. Son passage était retenu d'avance. Ah, pour un gaillard flegmatique, c'est... À ce moment, le steward reparut, les traits décomposés à bout de souffle. « Commandant, sa porte est fermée !»« C'est son habitude de toujours la fermer, » s'écria le capitaine, tandis que Robin se précipitait vers l'échelle en grommelant en jurant. « Oui, mais cette fois j'ai eu beau frapper et refrapper, il ne m'a pas répondu !» répliqua le steward. À peine avait-il prononcé ces mots, que pour lui donner un démenti formel, on entendit la détonation formidable que produit un coup de revolver déchargé dans un espace restreint. Quelques instants après, l'inspecteur se précipitait dans le petit salon, suivi de près par tous les autres qui, eux-mêmes, étaient suivis par une foule de curieux attirés par le bruit. Il ne fallut pas longtemps pour deviner quelle était la cabine du coupable. Un petit nuage de fumée blanche s'échappait à travers les lames des volets. Tout le monde le vit, et la stupeur générale fut si grande que sur le premier moment, personne ne dit mot. Enfin, Robin se retourna vers le capitaine. « C'est vous qui êtes cause de ce qui arrive, commandant, » maugréa-t-il, « et c'est vous qui aurez à vous en justifier. » Nelson fit volte-face, il était tout blême, mais blême de colère. « C'est bien ce que je ferai, » gronda-t-il, « mais pas auprès de vous. Je n'ai pas de compte à rendre à un misérable policier australien, ni d'insulte à en recevoir. « Par Dieu, monsieur, prenez garde. Je suis le maître à mon bord, et j'entends l'y rester. Un mot de plus, et tout détective que vous êtes, je vous ferai jeter à la mer. Allons, accomplissez votre besogne et enfoncez cette porte. Mes affaires ne concernent que moi seul, et je ne permettrai à personne d'y fourrer son nez. » Il était furieux, comme le sont tous les vieux loups de mer lorsqu'on essaye de porter atteinte à la suprématie qu'il aurait conférée à bord de leur navire. Mais on sentait sourdre en même temps, à travers les éclats de cette mâle colère, une certaine satisfaction secrète, provoquée par la pensée que, quoi qu'il advînt, celui qui avait été son compagnon de route pendant de si longues semaines ne serait toujours pas pendu. Néanmoins, le drame qui venait de se produire pouvait avoir de très graves conséquences pour lui, et lui attirait bien des ennuis. Aussi Nelson était-il redevenu fort soucieux lorsque, sans plus s'occuper de lui que s'il n'existait pas, Robin s'envoyait l'ordre d'aller chercher le charpentier afin de se faire ouvrir la porte. Le salon avait été envahi par les passagers d'entrepont et même par un certain nombre de marins de l'équipage. Mais le commandant ne paraissait plus pour l'instant se soucier de la discipline, et toute sa fureur était concentrée sur l'insolent intrus qui s'était permis de lui adresser un blâme à son bord. Le charpentier fut obligé de jouer des coudes pour se frayer un passage à travers la foule qui se pressait dans le salon et jusque sur les degrés de l'échelle. Mais lorsqu'il eut rejoint le détective, il se mit rapidement à la besogne, et peu de temps après, la serrure fut forcée. La porte tourna sur elle-même au milieu du silence qui avait tout à coup succédé aux conversations animées de tout à l'heure. La voix du policier éclata brusquement. « Vide ! Un nom d'un chien » hurla-t-il. « Arrêtez-le ! Il nous a filé entre les doigts !» Alors, le salon se vida de nouveau, moins vite toutefois qu'il ne s'était empli, et le commandant s'y retrouva bientôt seul. D'un bond, il courut à la cabine de son passager, s'attendant presque à l'y découvrir, tapis dans quelques coins. Dans cela, il se trompait, car la cabine était bel et bien vide. Par contre, ce qu'il y trouva était si extraordinaire qu'il lui fallut un bon moment de réflexion avant de pouvoir se l'expliquer. Un revolver pendait à une patère contre l'une des cloisons de la cabine, suspendu à cette patère par un bout de ficelle d'un mètre de long attaché à la gâchette. Un autre bout de ficelle, mesurant quelques pouces, était fixé à la crosse et s'était rompu en brûlant, de même qu'un troisième bout de ficelle pendait à une autre patère sur la cloison opposée. Par terre, il y avait un petit morceau de bougie. La ficelle avait été disposée de telle façon qu'elle le traversait de part en part, comme le prouvait l'empreinte restée dans la paraffine. Scrimshaw, avant de partir, avait tendu tout ce dispositif en travers de la cabine et allumé la bougie. Le revolver, pendu par sa gâchette, comme on pend un homme par le cou, était tombé d'une hauteur de 3 pieds et avait fait feu au moment même où la flamme de la bougie avait consumé la ficelle. telle était la combinaison que l'esprit ingénieux, quoique pervers, de Scrimshaw avait imaginée et perfectionnée pendant plusieurs semaines. Le commandant se rappela l'allure insouciante de son passager pendant toute la durée de la traversée et ne put s'empêcher d'admirer le sang-froid et la présence d'esprit de cet homme qui savait sa capture certaine au terme du voyage. Nelson remonta sur le pont en courant. Il y trouva tout le monde penché sur le bastingage et ahuri par un nouveau coup de théâtre. Le pilote vint à sa rencontre à l'arrière. « Mon embarcation a disparu » s'écria-t-il. « Et il fait noir comme en enfer !» Nelson s'arrêta pétrifié. « Avez-vous laissé un homme à bord ?»« Non, mon matelot était monté avec moi pour prendre un télégramme que l'on avait chargé de remettre à la police de la ville. »« Alors, que voulez-vous que j'y fasse ?» Et le capitaine se pencha lui aussi sur la liste de couronnement. « Silence » rugit-il. « Que tout le monde se taise !»« Puisque nous ne pouvons rien voir, écoutons. » « C'est cela, pas un mot, pas un murmure. Attention !» Sur le premier moment, on n'entendit pas autre chose que la respiration haletante de 50 gorges serrées. Puis, bientôt, quelque part dans la nuit, parmi l'obscurité impénétrable, on discerna le grincement atténué d'un aviron dans son tollé qui allait s'éloignant et diminuant de plus en plus. Mais dans quelle direction? Il eût été impossible de le préciser par une nuit pareille. Ainsi s'achève « Le passager de première classe » par Ernest William Hornung.